qui est le plus beau, quitte à devenir mégalo. Viens donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez, laisse-moi entrer dans ta matrice, goûter à tes délices, personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez, je ferai tout pour t'accompagner, tellement je suis borné, je suis bien dans ma bulle. Allez, allez, allez, tout est beau, tout est rose, tant